Les marchés de Paris par Rachel De Caro. Œuvre publiée sous licence Creative Commons BYNC ND 3.0 en lecture libre sur atramenta.net. Enregistrée par Christiane Johan. Les marchés de Paris. Je ne vous parlerai pas de Rungis ni du Trou des Halles qui a bien fait parler de lui en son temps. Non. Je voudrais évoquer les petits marchés de Paris, le marché aux fleurs et surtout le marché aux oiseaux de l'île de la Cité. Lors de nos promenades dominicales obligatoires, nous parcourions en famille les quais de Seine avec une prédilection pour ces lieux qui nous faisaient rêver. Surtout les marchands d'oiseaux exotiques et de poissons dont nous admirions les couleurs et les chants, pour les oiseaux bien sûr, si variés. C'était dans les années 1960-1970. Aujourd'hui, ce marché aux animaux n'existe plus que dans mon souvenir. Mais je me souviens des variations de jaune et d'orange, des plumages des canaris. Les perruches, elles, rivalisaient entre les verts, les bleus, les blancs et les roses. Les bengalis plus petits ornaient leur corps de taches multicolores jusqu'à leur bec. Je me souviens de ceux que l'on appelait les becs de corail, particulièrement jolis et délicats. Bien sûr, il y avait ici ou là un perroquet que les passants tentaient de faire parler. Certains leur répondaient avec des co-co âcres et vindicatifs. Les aquariums étaient moins intéressants parce que souvent les poissons par race étaient regroupés dans des espaces quasiment sans décoration. Ils ne manifestaient de l'intérêt que pour les flocons de nourriture lorsqu'ils leur étaient dispensés. Mon père, grand amateur de vieux livres et de papiers anciens, aimait aussi explorer les boîtes des bouquinistes accrochées sur les bords des quais. Il discutait sans fin avec les vendeurs. Et puis, un autre marché où il m'entraînait parfois, le marché aux puces. Là, c'était le bazar, la caverne au trésor, les merveilles côtoyant les horreurs, mais tout un univers fabuleux qui mériterait un livre à lui tout seul. Il était aussi une autre forme de marché, qui s'installait dans les rues les plus populaires, mais assez larges, de la capitale. Les marchands et marchandes des quatre saisons proposant des primeurs, fruits et légumes, mais aussi des poissons et sans doute bien d'autres produits plus ou moins alimentaires, je n'ai pas vraiment de souvenir de ces derniers. Je me souviens surtout des premiers. Sur des charrettes à bras, à deux roues, équilibrées par des béquilles, trônaient des piles soigneusement organisées de pommes, oranges et autres fruits, fleurs ou légumes de saison provenant directement des producteurs et maraîchers proches de la ville. Les charrettes des poissonniers étaient prioritairement installées près des bouches d'égout des caniveaux afin que la glace sur laquelle leurs produits étaient disposés puisse fondre sans inonder tout le trottoir alentour. C'est avec ma grand-mère que j'allais aux provisions. Équipée de cabas et de paniers, elle allait acheter les pommes de terre et les poireaux indispensables pour la soupe quotidienne, les carottes et les oignons pour le bœuf bourguignon, qu'elle allait acheter ensuite chez son boucher habituel, les fraises ou les pommes pour le dessert, selon ce qu'elle trouvait et qui lui plaisait. Une fois rentrée, tandis qu'elle rangeait ses achats et se mettait à l'épluchage des produits pour le repas du jour, avec ma sœur, nous nous mettions à jouer à la marchande. Avec la petite charrette en bois à deux roues et ses béquilles, ses mini-pots en terre cuite vernissée, ses fleurs artificielles miniatures et notre monnaie en plastique. Voici la charrette de la marchande de fleurs. Cette petite charrette et ses fleurs ont été les jouets de mon père et de son frère et de sa sœur. Ce sont mes grands-parents qui nous l'ont offert à ma sœur et moi. Ici se terminent les marchés de Paris de Rachel De Caro.